fil du match, j'écris un son, j'ai pas sommeil. J'suis pas le genre de mec qui se barre à Dubaï, frimé sous le soleil. J'suis le genre de mec qui se donne quand il a un peu d'oseille. J'suis le genre de mec qui peut donner 2-3 conseils. J'suis le genre de mec que les keufs ils veulent coincer. Genre de mec qui se balade tout seul capuché. Toujours une âme sur moi, on sait jamais si ça veut tester. Mais bon, j'fais tout pour pas être détestable. Tu me verras pas dans ton cas et vibe. Des fois j'ai envie d'arrêter la cible. Si ça plaît pas, bah j'vais vendre la cible. Si ça plaît pas, bah j'vais vendre la cible. J'entends des choses sur moi, ce qui paraît j'ai changé. Mais dis-moi t'étais où quand j'détaillais des sangers. J'entends des choses sur moi, ce qui paraît j'ai changé. Mais dis-moi t'étais où quand j'détaillais des sangers. Elle est belle, elle a des principes, des valeurs, mais j'm'en bats les couilles. J'suis dans une période de ma vie où j't'aime pas, y'a tout qui casse les couilles. J'ai pas le temps pour toi ma beauté, pour ma soeur faut la payer Mbappé. J'calcule pas le quand j'claque t'es la famille. J'vais tout prendre et j'vais pas dire merci. Qu'est-ce que j'vais faire de ma vie? J'me répétais ça quand j'étais petit. Aujourd'hui on m'écoute jusqu'en Belgique. Quand j'pose sur la prod c'est magique. Millions de vues sur le net, mais j'ai pas changé les mecs. J'veux pas qu'on me reconnaisse, j'enfile ma capuche et j'mets des lunettes. J'prends des abonnés, j'prends des péchés. On a mis des coups, on en a pris. On a mis des coups, on en a pris. En vrai les gars, j'suis prêt à partir. J'entends des choses sur moi, ce qui paraît j'ai changé. Mais dis-moi t'étais où quand j'détaillais des sangers. J'entends des choses sur moi, ce qui paraît j'ai changé. Mais dis-moi t'étais où quand j'détaillais des sangers.